Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Guimauzou, votre radio locale 107 FM. Vous pouvez bien entendu nous écouter sur www.radioguimauzou.fr et avec nous au téléphone, Élodie, alors responsable de communication à la mairie de Golbey, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, alors Élodie, bah, bonjour et bienvenue bien sûr Radio Guimauzou. Merci beaucoup de votre participation. Aujourd'hui, on vous parle donc de la deuxième édition de la fête du papier qui aura lieu le dimanche 28 avril. Dès 10h au centre culturel de Golbey de rue Jean Bossu, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, comment ça va se passer cette deuxième édition? Déjà, est-ce que la première édition s'est bien déroulée? Oui, alors l'année dernière, donc effectivement, c'est notre première édition et ça a plutôt bien marché. On a eu beaucoup de monde, le soleil était là, donc c'était parfait. D'accord. L'année dernière, donc le thème de la journée, c'était l'origami. Oui. Et cette année, donc on a décidé de changer un petit peu et on part sur le carton, le papier sous la forme du carton. Eh oui. Donc du coup, voilà, sur le même principe que l'année dernière, on aura une quinzaine d'exposants, comme l'année dernière, d'accord. Mais tous nouveaux. Oui. Et chacun va proposer de montrer son savoir-faire et de faire des ateliers pour les enfants notamment. Ah oui, c'est super. Alors c'est intergénérationnel, on peut venir avec toute la famille et ça c'est vraiment super chouette. Alors ça commence à 10h hein, pour l'inauguration. Quel sera un petit peu le programme de cette journée? Alors donc à 10h on a l'inauguration. Ensuite vers 10h15 on a un petit concert de l'Union musicale de Golbey pour donner le ton de la journée. Ensuite à 14h30 on a un concours de masques pour les enfants. Donc j'invite tous les enfants à fabriquer leurs masques soit chez eux, soit directement sur place du coup au centre culturel. D'accord. Il y aura un petit atelier qui sera prévu, donc voilà, évidemment masque en carton. Oui. ensuite à 15h15 on aura un spectacle, donc là c'est très familial, c'est un spectacle de BMX, jonglage, acrobatie, voilà, c'est un ex-champion du monde de BMX qui va venir donc présenter son petit spectacle. D'accord. Et ensuite, donc à 17h, on aura un défilé de costumes en carton par le centre social Louise Michel. Oui. Et donc toute la journée, par contre, on aura un manège un petit peu particulier parce que c'est un manège donc pour les enfants, évidemment, et qui est entièrement fait en matériaux de récupération. Waouh. Et donc ce qui est sympa aussi, c'est que les enfants doivent pédaler pour faire tourner le manège. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez original, ça va être assez sympa. Et l'après-midi aussi, vous pourrez repartir avec un petit souvenir parce qu'il y aura un silhouettiste qui sera en déambulation tout l'après-midi. Oui. Et donc voilà, lui, avec ses ciseaux, il fera votre portrait. Ah oui, ça c'est sympa. Voilà. Ça c'est sympa. Alors il y a un petit point restauration aussi de prévu, hein, comme ça on peut rester toute la journée sur place. Oui, tout à fait, la Société des Fêtes sera là pour faire un petit point restauration, donc toute la journée sur place. Ah oui, ça c'est sympa. Est-ce qu'on peut faire un petit peu un point rapide de quelques exposants peut-être, sans en vexer d'autres qu'on pourra peut-être pas nommer, on pourra peut-être pas tous les nommer, mais qui viendra proposer des choses? Alors on aura, par exemple, on aura donc Madame Thieffry, donc qui vient de Bretagne, donc qui ne vient pas, voilà, c'est vraiment, on a vraiment essayé de toucher un public très large, et donc qui fait des sculptures et des luminaires en carton. Waouh. Donc c'est assez original. Après, on aura aussi donc par exemple Madame Laurent, donc Marie Laurent, qui fera aussi des sculptures plutôt alors qui mêle à la fois le papier mâché et le carton. Oui. Donc voilà, on a pas mal de choses. On a aussi des artisans qui fabriquent des meubles en carton, des meubles et objets de décoration en carton. Ça, c'est super. C'est très en vogue, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, on aura, par exemple, Sophie Kulinski qui fait ça. Oui. On a Amélie Ullery aussi qui sera présente pour faire ce genre d'activité. D'accord. On aura aussi notamment l'École supérieure d'art de Lorraine, donc avec des étudiants. Ils étaient déjà venus l'année dernière et c'est vrai que voilà, c'est toujours un plaisir de les recevoir parce qu'ils nous montrent leur savoir-faire tout au long de la journée et c'est des futurs professionnels de l'image. C'est vrai. Donc Voilà, c'est un plaisir de les accueillir. Et voilà, après, donc on en aura voilà une quinzaine d'exposants dans ce style-là. Et oui, on va pas tout dévoiler, on vous laisse quelques surprises à découvrir sur place. Alors, cette manifestation, cette deuxième édition de la Fête du Papier, eh bien, elle se veut ludique, mais elle a également, je cite, hein, une dimension environnementale et écologique, bien entendu, qui est voilà les premiers termes de cette Fête du Papier. Hein, on n'oublie pas vraiment cette dimension. C'est ça, parce que autour du papier, on aime aussi apporter donc la touche environnementale et tout ce qui est développement durable. Et donc il y aura aussi des ateliers qui expliqueront les bons gestes du tri et voilà, et comment on peut recycler de façon intelligente et durable tous les matériaux et notamment du coup le papier et le carton. C'est très très important et bravo en tout cas à la ville de Golbey pour cette belle initiative. Alors, cette deuxième édition de la Fête du Papier, eh bien, n'oubliez pas, c'est dimanche 28 avril à Golbey, dès 10h. Vous allez y passer un très bon moment en famille. En tout cas, on vous le souhaite. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à nous dire? Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que le public répondra présent et nombreux à cette journée. Eh bien oui, on vous le souhaite. Et puis, on vous attend bien sûr nombreux et une très très belle journée. En tout cas, à vous tous. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.